J'ai mon baby, baby, baby. Oh non, il est craquant, quand il est solide. Oh non, je n'avais pas d'idéal. Il est vraiment spécial. Mon soldat m'assumera quoi qu'il en soit. T'auras beau lui faire la cour, il ne bougera pas. On a tous besoin d'un super héros.